Bariki. Ni vile ndisema kumwanzo, tuko na ndugu Jacques Nkulunjo ataanza mahubiri, atahubiri juma. Nous avons le frère Jean Kourou qui va prêcher cette semaine. Nduko anatoka makutano yetu Kolwezi. Le frère vient de l'assemblée sœur de Kolwezi. Eti Mungu mufura kumpokela na kumsalimia mjina Bwana Yesu Kristo. Dans la joie de recevoir de le saluer au nom de Jésus Christ. Karibu frère. Approchez Nduko. Oui, c'est avec une grande joie que nous vous saluons ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Oui, il y a une semaine que j'ai quitté chez moi. Et c'est précisément dans l'assemblée de Moussompo à Kolwezi. Là, je suis porteur des salutations du berger, de frère Koji, Pascal. Et de certains hommes de Dieu qui m'avaient chargé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Là, je ne viens pas directement de là. Je viens de Likasi. Où j'ai terminé à prêcher dimanche passé. Et le même dimanche, je suis rentré chez moi. Mais la nuit d'hier, le frère Ngoindai, qui est le berger, m'a demandé de faire diligence pour être ici aujourd'hui. C'est ainsi que j'ai pris mon bus à 6 heures. Et le Seigneur a permis que nous soyons là. Le corps, bien que fatigué, mais j'ai la foi que c'est le Seigneur qui réconforte. Ah. Je suis dans la joie d'être ici. C'est la toute première fois que je prêche ici. Que Dieu vous bénisse richement d'être venu. Je vais chanter un petit cantique. Siku zangu apa duniani ziko chache kitambo nitaenda. Kule mbingu kwa baba Mungu wangu uzana o zana sifa mbingu kama jua si usiku baragumu ya Bwana Italia. Sauti ya Yesu ikinita bibi arusi uingi mimi udongo nitageuka mifupa yangu itakauka. Moyo wangu utaenda pale Yesu alipotengeneza. Kama jua si usiku baragumu ya Bwana Italia. Sauti ya Yesu ikinita bibi arusi uingi Yesu alishinda lufu kweli alifufuka siku ya tatu. Tutafufuliwa sisi zote tulioamini jina lake. Kama jua osi usiku baragumu ya Bwana Italia. Saudia, Yesu ikinita, O bibi arusi uingi. Nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3, 10, 11. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te disons merci ce soir pour toutes les multitudes de grâces que tu nous accordes. Merci de nous avoir réunis en ce lieu pour être préparés à notre voyage. Circoncis ma bouche. Enlève de ma bouche tout vagabondage de langage. Mets tes paroles dans ma bouche afin que je proclame tes oracles. Bénis chaque âme qui est venue en ce lieu. Bénis les anciens qui m'ont accordé la grâce d'avoir la chair. Sois avec nous, Seigneur, du début à la fin. Glorifie ton nom, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Non, pour éprouver. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Nous lisons aussi Philippiens chapitre 1, le verset 29. Je commence par: car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Je répète ce verset. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Qu'il plaise au Seigneur de bénir la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Par la grâce du Seigneur, nous allons nous entretenir autour d'un sujet intitulé l'heure de la tentation. Ok. L'heure de la tentation. C'est l'une des choses que le Seigneur avait montré à Jean dans l'île de Patmos. Les choses qui devaient arriver bientôt. Comme Apocalypse le dit, à la fin de son livre, chapitre 22, verset 6. Et il me dit: ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Parmi ces choses-là qui ont été annoncées par les prophètes et prêchées par les apôtres, il y a une que nous allons vivre dans peu de jours. Nous vous parlons d'un événement qui n'est pas loin. C'est dans peu de jours que nous allons vivre ça. Ce n'est pas pour rien que l'esprit dans l'introduction du culte a lu l'écriture que nous avons lu là. Prenez garde de vous conduire avec circonspection. Non. La circonspection, il y a deux mots dans ce mot-là. Circonstance inspection. Na kuchunguza. Ok, la circonspection, c'est une prudence. Ni ile werevu. Qui ne t'oblige pas de négliger même une petite circonstance qui arrive. Avant d'agir ou avant de parler. Une prudence terrible. La Bible dit, faites attention. Conduisez-vous. Parce que les temps sont mauvais. Avec prudence. Inspection de chaque chose. Ce que je veux dire, est-ce que ça édifie? Ce que je pense ici, est-ce que ça me construit moi-même? Ce que je fais, est-ce que le Seigneur y trouve compte? Non, c'est, il nous a dit, c'est bien de s'habiller, c'est bien de construire. C'est bien. Oui, mais dans tout cela, prenez garde de bien surveiller tout. Parce que nous sommes à la fin des temps. Nos jours sont très comptés, sont comptés alors. Nous sommes des étrangers. Nous venons de l'éternité. Et nous allons à l'éternité en passant par la terre. C'est ce que nous sommes. Alors quelqu'un qui est pèlerin ne vit pas avec négligence. Il vit avec circonspection, avec prudence. Vérifiant chaque circonstance. Je ne peux pas rire parce que quelqu'un rit. Je ne peux pas me fâcher parce que quelqu'un s'est fâché. Chaque circonstance, avant que tu agisses, observe. Ce n'est plus le temps de s'essuyer davantage. C'est le moment de se sanctifier davantage. Oui, Église. Nous avons la responsabilité de sortir un son clair de ce message. Qui est le cri de minuit. Pour que chacun secoue sa lampe. Et qu'il enlève toute crasse. Pour que la lumière brille. Et pour que chacun regarde dans le vase de son cœur. S'il y a l'huile de réserve. C'est le moment, frère. L'heure de la tentation vient. L'écriture est claire. D'abord, laissez-moi bénir les anciens parce que vous gardez un programme. Il est trop grand, un programme de culte que j'aime bien. Le programme de culte qu'on a vu au début, dès le début, il est pas oui, nous avons assez de temps pour se dire ce qu'il faut se dire. C'est vrai. Il est temps de se débarrasser. Tout ce qui n'est pas utile dans notre valise. Bientôt c'est l'embarquement. N'ayez pas des pampers sales dans vos valises. Des linges sales inutiles dans vos valises. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire quoi? L'essuyure de la chair et de l'esprit qui font la guerre à l'âme. Débarrassons-nous déjà maintenant de ces choses. Je crois que l'épouse qui est ici m'entend bien. Ouais. Dio. Ces choses qui vont nous arriver, les prophètes qui les ont annoncées avaient désiré les vivre. Ils avaient fait de ça un sujet de recherche et d'investigation. Cherchant à sonder les circonstances et les époques marquées par la parole de Dieu pour toi. Mais il leur avait été dit que ce n'était pas pour eux, c'était pour toi et moi qu'ils avaient annoncé ces choses. Maintenant, toi qui es concerné, il faut que tu saches que tu es concerné. Nous ne sommes pas venus ici pour former un groupe religieux. Nous sommes un peuple qui a entendu un cri. qui a reçu la lumière au temps du soir. Et pendant que je parle, nous ne sommes plus au soir. Non, frère, non. Le message est apparu au soir. Pendant que je te parle, nous sommes tard dans la nuit. Tard dans la nuit. Bientôt, le soleil de la justice va s'élever. Toi qui es concerné, si tu ne sais pas qu'il y a des choses que ceux qui t'ont précédé désiraient vivre, au lieu d'avoir cet empressement de les vivre, toi qui es dans la distraction, c'est malheureux alors. Parce qu'il aurait alors fallu que ces gens-là qui désiraient les vivre viennent les vivre à ta place. Dieu leur a dit non. Lisons un peu cela. 1 Pierre chapitre 1. Suivez-moi très bien. 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé. Manabiri tabiri. Walewali tabiri. Touchant la grâce qui vous a été réservée. On fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Oui. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Pour vous, qu'ils étaient eux les dispensateurs de ces choses. Quelles choses? Les choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile. Par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et les choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. Alléluia. Amen. C'est que tu vas vivre à la fin. Michael. Gabriel et les autres anges que nous ne connaissons pas, ils désirent connaître qu'est-ce qu'il y a au juste. Ils désirent voir ce que tu vas vivre. C'est des choses merveilleuses. Frère, comme l'Écriture vient de le dire, les souffrances de Christ doivent être suivies d'une grande gloire. C'est vrai, frère. Christ n'a pas souffert pour rien. Dans peu de jours, les gens de ce monde, ils comprendront l'importance des souffrances de Christ. Lorsqu'ils verront la gloire qui est prévue derrière ces souffrances-là. Nous sommes un peuple glorieux. Nous avons un Dieu glorieux. Différent de tous les dieux. Et quand il agit, c'est pour faire éclater sa gloire. Il n'a pas permis pour rien que son fils, son unique, soit déshabillé devant celle qu'il a enfantée. Ce n'est pas en vain que Jésus a supporté ça. Une couronne d'épines à la tête, flagellé comme tout, comme un serpent. On l'a tué comme un voleur. Alors qu'il est saint. Cette souffrance-là, c'est pour qu'un jour, sa gloire éclate sur la terre. Nous n'irons pas au ciel sans que ces gens de ce monde sachent ce que nous sommes et qui est notre Dieu et qu'est-ce qu'il a fait pour nous, nos frères. Lisez avec moi Hébreux 11. Verset 13. parce que je suis ok. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus. Et saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Verset 39. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Frère, donc c'est parmi des choses qui sont devant nous. Tout près ici, il y a une heure que la Bible appelle l'heure de la tentation. Okay. Accepté et permis par Dieu lui-même. C'est Dieu qui permet que cela arrive. Pendant que nous sommes encore sur terre. Et cette heure va frapper tout habitant de la terre. Cette tentation atteindra tout habitant de la terre. Or l'épouse est encore sur terre. Nous passerons par là. C'est inévitable. Personne n'échappera à ça. Il y a des gens qui t'ont précédé. Dans la même foi que tu as. Pour garder leur foi. Ils sont allés jusqu'au sacrifice suprême. Ils ont même versé leur propre sang. Et toi tu penses être enlevé, aller au ciel comme sur un lit de facilité. Non. Non. Il y a une preuve qui t'attend. Kipimo. Il faut bien faire attention. Il y a une grande différence entre la tentation et l'épreuve. L'heure, c'est l'heure de la tentation. Mais pour permettre à Dieu d'éprouver la foi de quiconque est sur la terre. Parce que Dieu ne tente personne. Le tentateur, c'est Satan. Dieu, lui, éprouve la foi. Maintenant, dans ce qui vient ici, c'est une tentation que Dieu va permettre que cela arrive à tous les humains. Le tentateur sera lâché pour qu'il fasse tout ce qu'il peut faire afin de faire tomber tout habitant de la terre, y compris l'épouse qui est sur la terre. Le Seigneur va les lâcher comme il avait lâché sur Job. Nous n'irons pas au ciel comme sur un lit de facilité. Nous n'avons pas cru pour être des religieux. Nous sommes des croyants véritables. Et tout croyant doit être éprouvé. Une foi qui n'est pas éprouvée ne vient pas de Dieu. Et l'épreuve qui est devant nous n'est pas une petite épreuve. Je ne le dis pas pour faire peur à l'église locale. Non, c'est la parole du Seigneur. Et on doit la proclamer telle qu'elle est. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend ce que l'Esprit dit aux églises. Nous, quand j'ai dit que c'est bientôt, c'est parce que nous sommes cette génération-là qui est la génération finale. Oui, frère, c'est ça ma foi. C'est dans notre génération que la pierre de fête descendra. Je le crois de tout mon cœur. La pierre de fête, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui descend sur son corps qui est l'Église. C'est nous qui allons voir ça. Si tu ne le crois pas, tu es malheureux parce que Dieu a parlé dans cet âge. Et je vais vous lire ça. Nous sommes cette génération-là finale qui va expérimenter les dernières prophéties bibliques jusqu'à l'achèvement de l'église. Nous sommes le peuple qui va expérimenter les dernières promesses dans le plan de la rédemption. Et vous pouvez penser qu'il en reste encore beaucoup. Frère, Banduku, lors de la mort du Seigneur, 109 prophéties s'étaient accomplies. 109 prophéties timilika. Successivement. Et les 24 heures qui ont précédé sa mort, na il y a eu 24 prophéties chaque heure. Après une heure, prophétie. Après une heure, prophétie. Les 24 heures avant qu'il ne meure. 24 prophéties en 24 heures. Accompli. Les gens ont toujours tendance à allonger le temps de notre départ parce qu'ils ont une vie attachée à ce monde. Ils ont un grand plaisir à continuer à vivre dans ce monde. À l'heure qu'il est, l'épouse n'a plus le regard fixé dans ce monde. L'épouse a les têtes redressées. Parce que la Bible dit, quand vous verrez ces choses, soyez distraits. Redressez vos têtes. Alléluia. Amen. Car votre rédemption est proche. Frère, nous désirons quitter ce corps. Un élu maintenant où je parle. Le grand sentiment qui ronge son cœur, c'est de quitter ce corps. Quand nous parlons comme ça, il y en a qui ne nous aiment pas. Il y en a qui graissent même les dents. Bon, toi, tu as cru cette parole pour rester ici. Faire quoi? Pour quel plaisir? Pour chercher l'argent. Mais il y en a à qui Dieu a donné beaucoup d'argent au milieu de nous. C'est pas pour autant qu'ils n'ont pas de problème. Et il y a même des problèmes que l'argent ne peut pas résoudre. Comment ton cœur peut être attaché à ce monde? Si dans cet état-là, l'heure qui vient te trouve, c'est très dangereux. Je n'ai pas honte de te le dire. Je suis envoyé pour ça. Je répète, c'est l'heure de la tentation qui vient. Trouve ton cœur attaché au monde plus qu'à Christ. Tu vas tomber. Tu vas nous abandonner. Je te l'ai dit au nom de la Bible. Nous sommes cette génération-là qui va bientôt atteindre la perfection. Oui, frère, nous allons expérimenter la perfection de notre foi. Et nous voulons que ce soit même demain. C'est nous, cette génération. Nombreux ne mourront pas ici. Ils vont vivre ce que je dis. Et quand cela arrivera, vous vous souviendrez de ce jour ici. Je ne savais pas que j'allais venir aujourd'hui. Je ne le savais même pas. J'ai même dit au Seigneur, dans ma chambre, que, comme tu as permis que je vienne ici aujourd'hui, alors, j'observe mon cœur. Si tu as un autre message à donner, donne-le. Sinon, je donne ce qui est sur mon cœur. Et je sens que c'est ça qu'il faut vous donner. Quand ça va arriver, tu vas te souvenir. À Kilouba, il y a un proverbe qui dit: avertissement, préjugement. Nous sommes, il faut croire que tu es ce type-là. On a pas quoi oui. Est-ce que vous savez que pendant que nous sommes assis, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes très différents des méthodistes, des catholiques, des kimbangistes, des tchébanchaïs, des postolos, et puis même loin des témoins de Jéhovah, malgré leur cravate sérieux, ce sont des incirconcis. Personne n'est né de nouveau là-bas. Nous sommes un peuple choisi. Nous sommes une nation sainte. Alléluia. Nous sommes un sacerdoce royal. Un peuple acquis. À quel prix? Un grand prix. Le sang précieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes ce peuple-là. Et pendant que nous sommes là, le Seigneur entend bien ce que j'ai dit. Parce que je serai jugé sur base de ce que j'ai dit. Pendant que nous sommes là, l'arche de l'Alliance, qui était au ciel, depuis que ça a été fabriqué. Parce qu'au ciel, il y a un temple qui n'est pas fait de mains d'hommes, mais qui est construit par Dieu lui-même. Au ciel. Mais c'est là que Jésus a fait amener son sang, non? Après sa mort, il est sorti de la tombe. Il est sorti de la tombe. Myriam voulait l'embrasser. Il a dit, ne me touche pas. Le souverain sacrificateur. Il avait son sang avec lui. Ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et votre Père. Vers mon Dieu. Et votre Dieu. Pourquoi il a tenu ce langage? Parce qu'après sa mort, Jésus a eu des frères, il a eu des sœurs. Alléluia. C'est pourquoi il a dit vers mon Père. Et votre Père. Va dire à mes frères. Oh, l'œuvre de Golgotha. Oh, Kazia Golgotha. A un résultat terrible. Va dire à mes frères. Nous sommes devenus frères de Jésus. Va dire à mes frères. Que je les précéderai en Galilée. Je m'en vais d'abord. Vers mon Père. Votre Père. Et il a emporté avec lui les âmes qui étaient en prison. Il les a délivrées. Adam, Job, Sarah. Alléluia. Amen. Joseph, Yosufu, tous ces anciens croyants. Il est monté avec eux. Il les a laissés dans la sixième dimension. Seul. Seul. Il a continué. Il est arrivé au portail éternel. Alléluia. Amen. Porte. Mulango. Élevez-vous. Mushimame. Élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'éternel. Wamile. Porte dans les combats. C'est lui le roi de gloire. Les anges ont vu un homme entrer au ciel. Bamaika warona muntu aningia kumbingu. Kacha kacha. Kabatubanje kuma. Eh, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Muisame. Il y a des choses que je ne dis mieux qu'en chiluba, pardonnez-moi. Huko bitu nasema ka muzuru paka muchiluba. Muchiluba. Moko materi mengine sha kunibakiriliaka. Il y a des termes qui sont restés avec moi. J'espère que l'interprète sera très prudent. Na zania kwamba mtafsiri wangu atakuwa mwerevu. Au ciel, ils n'avaient jamais vu un homme. Mais ils ont vu un homme entrer avec du sang. Un sang frais. Il a pris ça dans quelques cas. La Bible ne dit rien. Mais il a amené son sang au ciel. Dans un vase. Dans quoi? Je ne sais pas. Il est allé déposer ça sur l'autel. Dans le temple de Dieu. Et il est allé tout droit sur le trône du Père. Il s'est assis là. Pendant que je vous parle. Sur le trône du Père. Il y a un homme assis. Et est devant lui, il y a un sang qui parle mieux que celui d'Abel. Même ce soir, si tu reconnais ta faute et que tu demandes au Père de te pardonner au nom de Jésus qui est au ciel, Jésus va dire au Père, Père, pardonne. Le sang va crier. Le sang va parler. Parce que c'est un sang qui parle. Père, pardonne. Baba, c'est pour moi que j'ai été versé. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Dio, je voulais dire. Dans ce temple-là, Mwilekalu, il y avait un arche de la. Disons même au présent, il y a un arche d'alliance. Mwile sanduku ya gano. Dans lequel il y a le livre de la rédemption qui était scellé de cette chose. De toutes ces années, ce livre est resté fermé. Je vais vous dire de quelle génération vous êtes. Parce qu'il y en a qui se sous-estiment. Le au mois de mars 1963. Dans notre génération, nous. Au ciel, l'agneau s'est levé du trône. Réellement, il s'est levé. Ce que Jean avait vu en vision là, ça s'est accompli au mois du mars 1963. Il n'y a pas un peuple qui parle avec précision comme nous. Nous disons des choses réelles. Les choses qui se passent au ciel, nous les savons. Il s'est levé. On a ouvert l'arche de l'alliance. Il a pris le livre. Il a commencé à briser les sceaux. Un à un. Un chaque jour. Le premier jour, il brise le premier sceau. L'agneau au ciel brise le sceau. Quand il brise le sceau, l'ange de l'Éternel lui-même descend. L'ange de l'Éternel, c'est Yahweh lui-même. Dans un corps d'ange. Il descend où? Dans le bureau de notre frère. Notre frère William Branham. L'agneau ouvre le. Brise le sceau. Sur terre, l'ange de l'Éternel donne la révélation. Écrit. Cheval blanc, c'est-à-dire. Branham était surpris. C'est ça donc. Donc je m'étais trompé. J'avais enseigné autre chose sur ça. Pour moi, le cavalier au cheval blanc, c'était l'antichrist. Mais quand le Seigneur est descendu, il lui dit, attention, ne te fie pas sa couleur. Regarde son arc là. C'est un menteur, il n'y a pas de flèche. Branham m'a dit, c'est l'antichrist. À sa première phase. Frère, je ne prêche pas les sous. Mais je te fais voir qui est-ce que tu es. Deuxième jour, on brise le deuxième sous. Sur la terre, la révélation nous est donnée. Jusqu'au sixième jour. On ouvre le sixième sous. On brise le sixième sous. On vient révéler le sixième sceau. Le septième jour, l'ange brise le septième sceau. L'ange de l'Éternel descend. Il ne dit rien. Il se regarde avec Branham. Puis il rentre. Silence. Comme nous sommes restés comme ça. Silence. C'est le silence. Septième saut, silence. Muria saba, rien n'a été révélé. Hakuna kitu kilifunuliwaka. Le livre est ouvert. Kitabu kinafunguliwa. Complètement. L'arche est ouverte. Sanduku inafunguliwa. Cette arche-là. Ça, c'est le sanduku. Après nous avoir révélé la parole, kisha kutufunulia neno. Dieu juge bon. Mungu anaona mzuri. Chaque fois que nous nous réunissons, kila mara tunajikusanya, l'arche descend. Il est sanduku na shuka. Pendant que je vous parle, cette tâche est ici. Il est sanduku iko hapa. Croyez-le. Muyamini. Cela va influencer votre vie. Il est à vuta ma maisha yenu. C'est pour toi que ça a été ouvert. Au milieu des vierges sœurs, l'arche de l'alliance est là. Ouvert. Avec un livre ouvert. Tous les mystères écrits, révélés. Et donnés à l'épouse. Nous sommes ce peuple-là. Ce que je dis ici, vous le trouverez dans la prophétie de Charles Price. Vous écoutez mon habit à Charles Price. Prophétisé en 1916. Alors que William Branham n'avait que 7 ans. William Branham, un petit garçon. Qui commençait à peine l'école primaire. Mais Dieu avait donné à Charles Price la révélation de ce qui devait arriver dans la vie de ce jeune homme. Qui a déjà lu ça? Cette prophétie de Charles Price. Il est un habit à Charles Price. Demain, je suis obligé ancien de dire ça. Je suis obligé de dire, c'est très important. Pour que vous sachiez qui nous sommes. Avant de vous dire ce qui va vous arriver. Je suis dans une lettre circulaire de Frère Franck. C'est la lettre circulaire de janvier 1973. Cherchez cette lettre-là, vous allez trouver ça. Janvier 1973. C'est la prophétie de Charles Price. Donnée en 1916. Branham avait encore 7 ans. Et qui s'est réalisé dans le ministère de Frère Branham. Par l'ouverture des sous. Je vais sauter certaines choses. Au début, il dit, la pleine réalisation du salut se fera par Christ. C'est le mystère caché qui ne peut être compris que par la révélation du Saint-Esprit. Celui-ci le révélera à ceux qui recherchent ardemment l'amour et la sainteté. L'accomplissement final de l'œuvre du salut. L'accomplissement final de l'œuvre du salut se trouve contenu dans les sceaux. En 1916. Alors que les sceaux étaient ouverts en 1963. Aussitôt que l'Esprit de Dieu ouvrira les sceaux, l'un après l'autre, le plan entier du salut sera révélé en détail. Et ça, nous l'avons vécu. Dans l'ouverture du mystère du salut, en Christ, là-dedans, se déploie l'insondable sagesse de Dieu. Au chercheur, qui sera digne. C'est notre Branham. Parce que hier, Job a refoulé. C'est à lui à qui ça a été révélé. L'homme prophétisé disant, chercheur qui sera digne. Qui sera digne. Il sera donné accès à des choses nouvelles et fraîchement révélées. Dans ce but là, de la révélation des choses, l'arche de l'alliance dans le ciel sera ouverte avant la fin de cet âge. Les sceaux du témoignage vivant qui s'y trouvent doivent être brisés. L'arche de l'alliance qui est dans le ciel se trouvera présente au milieu des pures vierges, sa fille de l'église, et elle influencera leur vie. Oh. Là où se trouve le corps de Christ, là se trouve également l'arche de l'alliance. C'est vrai, avec l'ouverture du témoignage vivant qui se trouve dans l'arche de l'alliance de Dieu, commence la puissante proclamation de ce témoignage. Frère, dans notre âge, le message, la parole a été déposé, emmagasiné lors de l'ouverture des eaux. C'est là que la parole nous a été révélée. Au début, Dieu lui a dit, Abraham, fais l'œuvre d'un évangéliste. C'était le premier poule qui pend de Kiakwanz. Et la deuxième étape, c'était l'ouverture de la parole. Et la troisième étape, c'était le ministère de la parole parler. Alors l'homme ici dit, avec l'ouverture du témoignage vivant qui se trouve dans l'arche de l'alliance de Dieu, commencera la puissante proclamation de ce témoignage qui sera comme le son d'une puissante trompette parmi les peuples. Écoutez, par l'autorité que Christ donnera, toute désobéissance cessera terminée dans la vraie église qui est née de Dieu. C'est ce que nous vivons. Si au milieu de nous, tu as encore plaisir à continuer dans la désobéissance, c'est une preuve que tu n'as pas reçu la révélation de la parole. Que Dieu te révèle tes paroles pour ton salut. Et que tu continues dans la désobéissance. Loin de là. Que Dieu nous révèle sa grâce. Et qu'on abonde dans le péché. Loin de là, frère. Le frère Franck dit ceci. Dans sa lettre 45. Il dit la grâce met fin à la désobéissance. Quelqu'un qui a trouvé grâce arrête avec la désobéissance. Mais la désobéissance à son tour peut mettre aussi fin à la grâce. Ouais, délai à pas qu'à beaucoup désobéir. Beaucoup désobéir. Un jour, tu vas traverser la ligne de démarcation. Et la grâce finira pour toi. Par l'autorité que Christ donnera, et le Christ t'alleta, toute désobéissance sera terminée dans la vraie église qui est née de Dieu. Vous pouvez continuer à lire. Donc pendant que nous sommes là, Dieu est avec nous. L'arche de l'alliance est ici. Dans les années 90, 80. On était ici à Likasi avec le frère Ngoindai. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'un de ceux qui ont mangé dans les premières casseroles de la sœur épouse de frère Ngoindai. Angari n'engia munyumba yake mu martini. Après entrer dans sa maison au quartier. Yeye mwenye peut-être acha kusabu. Elle même peut-être déjà oublié. Parmi ceux qui ont mangé le bukari yake ya kwanza. Parmi ceux qui ont mangé sa première nourriture. Pendant ce temps-là, ancien, oui, il y avait une photo qui circulait que je ne vois plus. Où il y avait l'arche de l'alliance photographiée dans le Branham Tabernacle. Quand cela était descendu, il y avait des fleurs naturelles qui étaient à la chair. Ces fleurs avaient poussé. Est sorti des gerbes et des fleurs. Et une partie de l'arche de l'alliance était visible sur la photo. Je ne vois plus cette photo-là. Mais dans ces années-là, on la voyait. Cette photo. Dieu ne fait rien pour rien. Pendant que nous sommes là, le Seigneur est avec nous. Amen. C'est vrai. Toi qui continues à vivre dans la distraction, par la grâce de Dieu, nous te parlerons de manière à te secouer. Pour que tu sortes de ton sommeil. Savez-vous que dans notre âge, dans une assemblée comme la nôtre, à Krefeld, le frère Franck était encore vivant. Dieu est descendu. Et il a donné une prophétie. Na aritaka unabi. Ce sont des paroles quand vous les entendez. Ni mamisemo wakati unashikia. Vous vous sentez heureux. Unajishikia na furaha. J'aimerais vous lire ça. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas ce qu'ils sont. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas entendu ce message pour rien. Non. Dans la lettre circulaire numéro 6. De mai 1976. Où est-ce que je suis encore? Ok. Où est-ce que tu es, toi? Ok. À la page 10. C'est en rapport avec l'ange d'Apocalypse 14. L'ange qui circule dans le monde entier avec un évangile éternel. Et en juin 1975, j'étais encore en 5e primaire en ce moment. Pendant un culte, le Seigneur nous a visités d'une façon particulièrement bénie. Dans une vision, il nous fut montré des événements prophétiques. Dans l'interprétation qui suivit, le Seigneur nous dit ceci. Vous m'excuserez, je suis un peu enrhumé. Voici ainsi dit le Seigneur. Mon peuple, en vérité, vous êtes cela. Le Seigneur fait un arrêt. En vérité, vous, c'est vous qui êtes cela qui avez écouté la parole de l'ange. Mon évangile éternellement valable qui était dès avant la fondation du monde. Et c'est nous qui avons écouté ça. Dieu descend et convient de vous êtes ce peuple là. Toi aussi là où tu as dit que tu es l'un de ce peuple là. Cela va influencer ta vie. Et voici. Vous êtes le peuple. Vous êtes le troupeau qui verra la pierre du fait être placée. Ce sont les paroles de Dieu lui-même. Par une prophétie dans l'assemblée de Frère Franck. Vous êtes ce peuple. Le troupeau qui verra. Et moi je crois que nous le verrons. Qui verra quoi? La pierre du fait être placée. Vous parviendrez à la perfection. Et je le crois. On n'a pas cru ce message pour que, à la limite, nous ne soyons pas différents de quelqu'un de 30e. Non. Lui va chez lui. Asafa. Il transmet. On leur raconte des racontars de vieilles femmes. Comme pour dire que c'est ça la parole. Ils sortent comme ils sont entrés. Et moi qui viens ici. Le Seigneur descend. Il parle. Avec l'onction. Selon la vérité. Que à la fin nous soyons semblables. Non. Apana. Nous sommes ce peuple là. Qui a reçu un message. Qui va nous amener à la perfection. Laissez-moi vous dire. Que ce message. N'échouera jamais. C'est vrai. Ce message présentera de nouveau Christ au monde. Il y en a qui n'ont pas saisi. Avec ce message, les gens verront de nouveau Christ sur la terre. Le frère Balaam a dit, je peux mourir d'une manière ou d'une autre. Je ne mourrai pas certainement de la vieillesse. Mais je peux vous quitter brutalement. Même si je partais, ce message présentera Christ au monde. Les gens te verront toi. Ils diront, ça c'est un Christ. Ça c'est une Christ. Amen. C'est là que ce message nous amène. Alors si tu sais que c'est ça, pourquoi de la négligence? Si un étudiant qui cherche un diplôme d'ingénieur, au moment où on lui apprend, les professeurs viennent. C'est avec attention qu'ils étudient pour qu'à la fin ils puissent avoir son diplôme. S'il y a un domaine dans lequel il ne faut pas jouer, c'est le domaine de la foi. Il faut que Dieu te connaisse en particulier, qu'il te connaisse. L'ancien peut ne pas te connaître. Le berger peut ne pas te connaître. Mais il faut que Dieu te connaisse. Tu as quelque chose de précieux. Avec ça, l'heure qui vient, tu vas vaincre. Mais si tu joues aujourd'hui, c'est grave. Ah oui, mon temps est presque là. Nous avons reçu un prophète. Il a travaillé, il est parti. Nous avons reçu un docteur. Avec la commission de Matthieu 24-45. Nous l'avons vu travailler. Il a vieilli. Il a terminé. Et il est rentré. Sous nos yeux. Aujourd'hui, c'est Ephésiens 4:11. Les uns comme les autres comme. Ce sont ces gens-là que Dieu est en train d'utiliser pour amener l'église à l'achèvement. À la fin, il y a un autre grand ministère qui va s'accomplir. Le frère Franck appelle ça le ministère de l'épouse. C'est le ministère de la parole parlée. Ça ne sera pas propre à un individu. C'est pour l'épouse en général. Nous agirons comme un seul homme. Avant qu'on ne fasse ça, l'heure de la tentation dont nous parlons sera sur la terre. Avant cela, c'est une tentation qui n'est jamais arrivée à quelqu'un sur la terre. J'aimerais que vous alliez avec ça ce soir. La tentation qui vient, qui pour Dieu est une épreuve, personne n'a jamais été éprouvé comme nous le savons. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun croyant qui a déjà vécu ce que nous allons vivre. Il n'existe pas. Paul a été scié. Pierre a été crucifié. Pétro a été crucifié. Étienne a été lapidé. Étienne est mort par l'épée du roi Hérode. Chaque mort par l'épée du roi Hérode. Jacob est mort par l'épée du roi. C'est ce qu'ils ont vécu là. Il est bariche, il est bariche. C'est rien. Par rapport à ce qui nous attend. Mukwangara yi unetuchunga. Je répète. Narudiriamo. Ce qu'ils ont vécu là. Il est bobari onja. Par rapport à ce qui nous attend. Mukwangara yi c'est rien. Ishe aina kitu. Quand on lapidait Étienne, wakati wakana mpika Étienne mawe, on n'avait pas touché à sa foi. Abakugusaki ku imani yake. On le lapidait. Balikuwa na mpika mawe. On lui dit, parce que tu dis ce que tu dis là. Nous te tuons déjà. Quand il mourait, il savait que cela ne changeait rien dans sa foi. Il va perdre ce corps. Il y a un autre corps qui l'attend. Quand aussi est petit Paul là, il savait que Dieu lui avait révélé comment il allait mourir. Il savait que c'est maintenant le temps d'être près du Seigneur. On coupe la tête de ce corps, j'entre dans un autre corps. Leur foi était calme. Mais devons-nous faire. Oh, venez demain, nous allons continuer. Ce n'est pas pour vous faire peur. Non. Il faut que vous sachiez ce qui vous attend. Et que vous sachiez quelle position prendre aujourd'hui. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse.